Au sport. Le 8 février, au hockey mineur, dans la Ligue Simplette Alfred de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François affronte les cantonniers de Magog à l'Arena Pat Burns de Stansted à 15h30. L'équipe novice C est également à Stansted et doit aussi se mesurer à une équipe de Magog à 13h. L'équipe novice B, quant à elle, se mesure à Thibault GM Sherbrooke au centre Philippe Bergeron à 14h. L'équipe Midget B d'Aquaticook à 17h45.